On va parler des castors de Dolbeau et de la Ligue Junior Régionale. Évidemment, c'est suite au livre qui a été lancé un peu avant les fêtes. Je vous invite d'ailleurs à aller vous procurer. Je ne sais pas combien il reste d'exemplaires actuellement, sauf qu'il y a 700 exemplaires qui sont en vente et il n'y aura pas de réimpression. Un magnifique livre. C'est le temps des fêtes, donc vous pouvez vous procurer. Quoi qu'il en soit, on va parler avec un ancien joueur des Castors de Dolbeau, Robert Sasseville, qui a joué avec les Castors dans les années 55-60. Bonjour, M. Sasseville. Ben bonjour, monsieur. Monsieur Sasseville, les Castors de Dolbeau, vous, ça vous dit quoi? Dans vos plus beaux souvenirs. C'est-à-dire, moi, là, j'ai vécu des années exceptionnelles avec les Castors parce que j'ai joué avec une équipe quand même extraordinaire. En passant, là, c'est dans les années 66, 60. OK, donc un petit Et erreur. j'ai joué avec une équipe extraordinaire. Il y a même une année qu'on n'a presque même pas perdu. On avait ramené le championnat de Dolbeau. Avec des joueurs qui étaient vraiment fantastiques, comme Christian Gagnon, Marcel Simard, Gratien Gueux, Rémi Merci. Bernier. Oui. Et mes deux compagnons de défenseurs qui jouaient avec moi, Pierre Gagnon et mon frère Carole. Carole Sasseville, qui était bien connue dans le coin de Dolbeau, mais Mississinie, évidemment, qui a travaillé longtemps comme régisseur sportif à la ville de Dolbeau et Le Mississinie. Dodolpo-Missassigny, Oui, oui. effectivement. Donc, très connu encore dans le secteur de Dolbeau, qui est aujourd'hui à la retraite. Écoute, il y a une année que vous n'avez pas perdu, donc j'imagine que vous avez été au championnat provincial. Oui, on avait perdu contre l'équipe de Verdun 3-2 dans notre série. OK. Et ça avait été très serré, quoi, ou... Oh, oui. Il reste qu'à ce moment-là, l'équipe de Verdun, là, c'était pas organisé comme aujourd'hui, il n'y a pas le junior majeur. Toutes les ligues juniors étaient de même catégorie, avaient des joueurs comme assez exceptionnels. Je me rappelle que Guy Lapointe des Canadiens de Montréal jouait pour eux. OK. Donc... Oui, mais par contre, on avait fait une très, très belle figure. Qui était devant le filet pour les Castors à l'époque? C'était M. Saint-Julien. Je me OK. rappelle plus son prénom. Son prénom. OK. Les assistances étaient Je pense que bonnes? c'est Denis Saint-Julien. OK. Les Ah, assistances étaient les bonnes dans assistants, le temps? les assistants, ben, t'as dit, c'était toujours complet. OK. Toujours complet, là. C'était une fièvre incroyable. Moi, j'ai connu 4 années exceptionnelles, là. OK. Puis, en plus, j'ai eu la chance de pouvoir coacher les Castors quand même pendant 6 ans. C'est quelque chose d'incroyable. Quand j'ai joué, j'avais un des instructeurs, un des meilleurs qui a passé au Saint-Jacques-Saint-Jean en Gérard Audet. Fait que on a appris un peu c'était quoi la vie. OK. Évidemment, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs entrevues avec les joueurs des Castors de ces années-là, également un peu toutes les mêmes années. Puis on regarde encore tellement de bons souvenirs. On dit que c'est des amis quasiment pour la vie, hein. Je parlais avec Ah, le. ben oui. Oui. Ben oui, ça nous suit tout le temps, puis on y pense souvent, puis c'est vraiment. Faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de sport pour les Ouais. jeunes. Le hockey, là, tous les sportifs du Dallas à jouer au hockey, et nos joueurs restaient dans la région. Ça fait que le calibre était très intéressant. Ouais, effectivement. Donc, quand vous avez dirigé, vous étiez entraîneur, c'était vers quelles années environ? Après le départ de Gérard Audet, je dirais, j'ai fait 2 ans, mais c'est dans les années 81-82, j'ai fait 4 ans consécutifs. On avait une équipe assez compétitive parce que on a joué une année en finale, si je me rappelle bien, OK. avec des joueurs comme Martin Boulian, Serge Asselin, puis des bons jeunes. OK. Si on parlait maintenant, mais des bons jeunes, mais il y avait Steve Tremblay également à l'époque aussi. Oui, Steve Tremblay, Martin et Steve jouent ensemble sur le même trio. Ah Ouais, oui, Steve Tremblay, c'est un ailier nord-sud, hein, c'est un gars robuste et puissant. Ah ouais, ben Steve, évidemment. Qu'est-ce que vous avez appris de Gérard Audet? On dit que c'était un des grands entraîneurs à Dolbeau-Missassigny. Gérard, d'abord, il prêchait par l'exemple. Il connaissait très bien son hockey. Il était un bon enseignant. En plus, il y avait un doigté exceptionnel pour, à l'arrière du banc pour envoyer les bons gars au bon moment. Okay. Et puis, en plus, il savait suturer le meilleur de chacun de ses joueurs. Des fois, on le trouvait un petit peu. Il nous narguait un petit peu, là, mais c'est pour nous saisir. C'est un instructeur exceptionnel, Gérard Houdette. OK. Les, J'ai dans, appris beaucoup de lui, moi. oh oui, dans ce temps-là, est-ce qu'il était, le calibre était très fort, hein? Ah ben oui. Tous les meilleurs joueurs sortaient pas de la région. Donc, si tu regardes l'ensemble des jeunes qui jouent au hockey partout dans la région, puis aujourd'hui, ils sortent tous, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres sports à l'époque. Il faut que tu penses que le soccer n'existait pas. Le baseball, le football, ça n'existait pas. Donc, les jeunes jouaient au hockey. Puis il y avait des très bons joueurs de hockey partout dans la région. Ah oui. Des années 70, 60, 70, il y avait moins, d'équipes aussi. Aujourd'hui, 32 équipes, bien sûr. Ouais. Ouais, il y avait 6 équipes dans mon temps. Ouais. Mais tu as dit qu'il n'y avait jamais un match facile à gagner parce que toutes les équipes étaient compétitives. Ah oui, effectivement, effectivement. Je pense qu'à notre meilleure année, je pense qu'on avait perdu seulement 8 matchs dans l'hiver. Ah ouais, c'était des Ouais. belles années également, donc. Alors, moi, j'ai été chanceux quand même de jouer avec des bons coéquipiers, ce qui m'a permis de gagner 2 fois le trophée de meilleur défenseur de la Ligue. Fait que c'était des Vous étiez moyens un beaux défenseur, souvenirs. attends, vous étiez un défenseur offensif ou défensif? Ah, les deux. OK. J'étais offensif quand c'était le temps, puis défensif quand c'était le temps. Je combinais très bien les deux, mais j'étais un gars qui contrôlait beaucoup. J'aimais beaucoup contrôler la rondelle. J'aimais Ah. beaucoup de donner la rondelle à mes coéquipiers, puis j'avais tellement de bons coéquipiers, leur donner quand c'était le temps. Ah, effectivement. OK. Ben, aujourd'hui, vous vivez dans le coin de Montréal, je pense? Dans le nord de Montréal, dans une petite ville au nord de Saint-Jérôme, à Prévost. OK, oui, Mais j'ai connu ça, je connais ça pas mal parce que j'ai des amis là-bas, dans le coin de Sainte-Anne-des-Lacs. C'est pas loin de Ah, chez ben vous, ça. oui, ben, c'est à côté, ça. C'est à côté de chez moi. OK. Est-ce que vous venez dans le coin, est-ce que vous venez dans le coin régulièrement encore? Ah oh, oui, assez souvent. Mais là, depuis la COVID, c'est sûr que on a arrêté un petit peu d'y aller, mais j'allais facilement 4 5 fois par année voir ma famille, moi, mais voir la famille de ma femme. On se rend, puis encore, on est allé encore cet été, puis c'est sûr que moi j'ai toujours dit, ça fait j'ai vécu jusqu'à l'âge de 41 ans quand même à Delbault-Missassigny. OK. Et ça fait peut-être une trentaine d'années que je demeure ici, mais j'ai toujours dit que je suis un gars de Delbault-Missassigny. Ben, effectivement, ça en apprend beaucoup. Ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Au moment où on enregistre le podcast, on est juste à l'approche des fêtes. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne santé, encore une fois en 2022. Et évidemment, on espère évidemment que vous allez. Est-ce que vous avez vu le livre de Michel Simard? Ben, je l'ai acheté, moi. Je suis allé à la présentation du livre à Delbault. C'était peut-être 2 mois, là. Ouais. 2 mois? Ah oui, Ah, ah même moins que ça, oui, un peu moins. je l'ai. J'étais allé avec notre ami Paul Ménard. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit ça qu'à ma première année, j'ai coaché Paul Ménard, moi. Ah, OK. Oui, Paul Ah, qui s'occupe des anciens. mais Paul fait un travail exceptionnel pour les castors. Ah, c'est clair, c'est clair. Il m'a Ah. alimenté beaucoup. On parle beaucoup de Michel Simard et son livre, mais il reste que Paul Mais, a travaillé fort avec Michel pour faire la réussite de ce ouais. livre-là. Puis Paul travaille très fort aussi dans le milieu pour les souvenirs des castors, puis tout. Ah, il est exceptionnel là-dedans. Avec, je pense, avec Daniel, Daniel Savard, peut-être? Savard, oui. Oui, Daniel Savard, peut-être, OK. Ben, je vous souhaite la Oui. meilleure des chances, puis santé en 2022, puis au plaisir de se reparler. Ah, OK, au revoir. Voilà, donc, un ancien joueur des Castors de Delbault, M. Robert Sasville.